toi, mon ami, sais-tu le film préféré des chats? Ah ben voyons, c'est Apocalypse Miaou! Oh, c'est mon invention, c'est moi qui l'a créé, cette blague, comme tant d'autres. Aujourd'hui, ce soir-là, il y en aura, le 8 juin 2020, monte le volume et hume la différence, qu'est-ce qui s'est passé, mon kiki? On n'a rien compris! OK. Alors aujourd'hui, le lundi 8 juin 2020, monte le volume. Oh yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un chat et une souris? Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait nos amis! Mais c'est merveilleux! Lâche pas la note, au prix que je te paye, là, garde-la la note. Si ça doit durer 20 heures, ça va durer 20 heures. Si ça doit durer 2 semaines, ça durera 2 semaines. Tu es sur le piano, je t'ai vissé. Et là, t'as le ni. Continue à gnigner. Ah oui, et vous, madame, ce que vous voulez, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien que vous enchaîniez. Alors, on va s'enchaîner. Vous êtes chanceuse, vous aurez, que voilà, vous êtes chanceuse, on va s'enchaîner dans le gagner. Oh, ça va être un traumatisme. Oh, vous allez en parler dans 30 ans, là, avec vos enfants criant. Ah! Vous en reviendrez même plus. Ah, oh, c'est à toi que ça se passe. Aujourd'hui, le lundi 8 juin 2020, j'ai du plaisir. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Il est encore sa note, hein? C'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Au Québec, là, nous ne sommes pas sur la note, on est sur la note. Hein? Sur la note. Et n'oubliez pas qu'on aime bien les apostrophes, nous. On appelle ça des québécismes. Ou du slang. Où sont passés tous les... La connaissez-vous, celle-là, les Raffman? Ah, ça, c'est mon grand succès, ça. Je fais ça en fin de soirée, là, après mes spectacles. Raffman. Il faut juste que j'aille un peu. Parlez entre vous, là. Raffman. Qu'est-ce qu'un Raffman? Ben, c'est quelqu'un qui roule ses pitounes, puis tout ça. Bon, Fafan, hein, Farfan. Raffman, M-A-N, M-A-M. Hey man, as-tu Raffman, man? Man, connais-tu Raffman? Raffman, man. Voyons donc, oui, comment t'écris ça? Comme ça, là. Raffman, parole. Parole. Oh, parole. Parole, parole, parole. Hein? Raffman, ling, up, wop, ming. Non, c'est en anglais, c'est pas celle-là, là. Tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, ling, ling, ling, ming, bang. Où sont passés tous les Raffman? Où sont passés tous les Raffman? Zing, zing, zing, zing. Où sont passés tous les Raffman? Zing, zing, zing, zing. Ouais, là, je chante ça sans connaître les paroles, là. On va dire que Raffman. Oui, on doit faire ça avant, je le sais. Arrêtez de me dire ça, là. Où sont passés tous les Raffman? Où sont passés tous les Raffman? Ah, quoi, peu importe. Comment ça va, vous? À part là, d'entendre un gars qui... Ça allait bien, là? Comment ça, tu te pratiques pas ou tu mets pas tes paroles avant? Mais je sais pas où je m'en vais. Je savais-tu, là, il y a 30 secondes, que j'allais chanter les Raffman? Non! Je sais-tu qu'est-ce qui va arriver dans 2 minutes? Non! C'est comme la vie en général. On sait rien, on se réveille. Bon, on croit que tout ça va se passer comme tous les autres jours. Mais peut-être pas! Tu peux rencontrer la personne qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ton existence. Il peut aussi avoir quelqu'un qui mettra un frein à ton existence. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais il faut être ici et maintenant. Bienvenue, je suis heureux de vous parler. J'espère que vous m'entendez. M'entendez-vous? Oui, j'ai la tétine qui ramollit, hein? Moi, ils m'ont dit, c'est avec les années. Je suis à l'hôpital vérifier ça parce que j'avais la tétine. Mais c'est tout à... Moi, je trouve ça très, très agaçant de me ramasser toujours la tétine puis me la recoller. Me la recoller. Alors, traduction, me la recoller. Pas compliqué, là. Ça fait que... M'envoie chez le médecin, m'envoie à l'hôpital. Pas facile dans l'hôpital, là, hein? Maintenant, c'est jamais été compliqué. Ça a toujours été compliqué, jamais facile, moi, pour moi. Tu peux pas rentrer de même, là. C'est un peu comme quand t'es dans la zone de dédouanage ou de douanage, là, tu sais, dans un aéroport. Tu rentres, là, avec des tremblements. Au début, moi, je savais pas à quoi m'attendre. J'entre à l'hôpital. Innocent. Ben non, innocent, il n'y en avait pas. Il y en avait à peine 2-3, mais moi, j'étais pur, voilà. J'étais chaste. J'étais sans attente. Bref. Je me pointais là pour un petit problème de santé. Un petit, là, pas un gros, un petit. Mais, bon, j'étais... Ouais, j'avais la petite muqueuse qui dégoulinait. Puis une toux, là. Tu sais, une toux, là. Pas une petite toux, là. Mais une petite, profonde, là. Et mal au poumon. Je suis pas un fumeur, moi. Mais on m'a fumé dessus pendant bien des années, là. Mais pas fait. Fait que là, j'arrive à l'hôpital. J'ai dit bonjour, hôpital. Là, il dit, hey, tu m'appelles pas de même, là. Tu viens ici pour. Ben, je vais pas voir personne. C'est pour ma propre personne. Ah, oh, vous allez vous voir. Pas un comédien, moi, pour me voir sur scène, là. Encore là, c'est dur pour un comédien. Mais je suis pas un comédien pour me voir sur un écran. Une surface écranique. Je suis malade, là. Ah ben ça, monsieur, on veut pas vous le dire, là, mais je crois que je vous ai reconnu à votre voix. Vous animez Errance Renadienne? Eh ben oui. Vous êtes assez querelle? Ben oui! Hey, en passant, là, c'est la réceptionniste, c'est pas celle qui nous... je sais même pas son titre, là. Elle me dit, continuez votre excellent travail. Je dis, ouais, mais là, pour le moment, là, le travail, là, on dirait que je vais accoucher, là. Puis j'ai 9 mois, puis tu sais, ça... Je me sens pas bien. Je me sens pas... Puis c'est rare que je me sens pas bien, là. À tous les jours, je me réveille. J'en avec moi. Je me prends une tranche de pain, puis je m'éponge ça sur le front avec du lait, parce que ça donne de la chance, hein. Ah ouais, ouais, ouais, ah oui. C'est un peu comme... Êtes-vous superstitieux, vous, monsieur... Pas vraiment? OK. Si vous voyez une pastille tomber par terre, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ah non, ça veut dire que vous allez être obligé de la ramasser. Hein, on cherche-tu des affaires? Hein? Attends un peu, là, une pastille. Quelle sorte de pastille? Aux cerises, au miel ou à la menthe? Suis-je rendu à la menthe? Sans Marguerite? Mais elle, c'est sans eux. Et je comprends rien, moi. Non, mais amande sans eux. C'est quoi? C'est amant. L'amant de Marguerite Duras. 80 ou 84? C'est l'œuvre qui l'a propulsée, mais elle a fait bien des choses avant puis après. Mais, tu sais, pour elle, c'est son grand succès. Donc, être rockers, là, elle reprendrait souvent les amants. L'amant. Au singulier. Parce que l'amant, c'est le gars qu'elle a rencontré lorsqu'elle était enfant. Connaissez-vous l'histoire? 22 mai 72. En Indochine. Indochine. Ouais. Exactement. Je suis Canaïbé. Au troisième sexe. Ça, c'était le troisième sexe, là. Bon, pour les gens qui n'ont pas de référence, c'est un peu. C'est totalement l'idée de Simone de Beauvoir. Et puis, là, je perds du public. Comment les récupérer? Fais une petite chanson. Arrête, m'a tout perdre. M'a perdre ma femme. Mais vous voyez, quand on demande à Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu. Hey, c'est comme si une femme faisait partie là, de l'ameublement. Puis si vous êtes. Si vous avez déjà étudié comme moi un peu la comptabilité, là, et puis vous faites les grands livres, le petit livre, le grand livre, c'est matériel roulant, là. Matériel roulant. C'est encore ça, je crois, hein? Parce que, non, mais quand je suis à l'hôpital, j'étais avec du matériel roulant. Ben oui, j'ai dit, hey, on va passer, là, tu sais, VIP, si t'arrives, en chaise roulante. Mais là, je me suis rendu compte qu'une fois rentré là, que tout le monde était en chaise roulante. Parce qu'ils savaient l'astuce. T'es en train de dégonfler, moi, là. Ça doit être ma maladie. Et puis, là, t'arrives là, pure, comme une adolescente devant une fleur qu'elle cueille pour la première fois en disant « Qu'est-ce que c'est ça, maman? » « Fais-toi-en pas, là, la vie va te le dire à un moment donné. »« Mais comment ça? C'est quoi ça, maman? » »« Non, je peux pas te... Je suis pas là pour te dévoiler les choses de la vie. »« Mais maman! » T'es ma maman? Ben oui, je suis ta mère, mais je suis pas non plus ton professeur d'éducation sexuelle. Ben, voyons donc, non, mais qu'est-ce que j'ai touché à là? C'est quoi que j'ai touché là? Pas à là, mais à là, elle l'a presque dit, mais elle s'est retenue. Parce qu'elle sentait, tu sais, encore là, mal à l'aise. Est-ce que ça se peut qu'on soit dans une société totalement mal à l'aise. On a peur de raconter, on a peur de dire, même si tu te trompes, Brel disait, je préfère me tromper que de ne rien dire. Mais c'est vrai ça, je sais, Madame Thibodeau, là, c'est du radotage aigu. Il n'y a pas une émission où je ne dis pas que je ne radote pas. Parce qu'on dirait que, tu sais, je suis en train de mais c'est différent. C'est comme une chanson. Y en a-tu des chansons d'amour? J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Bah, hey, c'est beau ça, c'est Francis Babel. Et c'est babelloise. C'est babelloise, ça, c'est ses bouteilles de vin parce que c'est un joyeux raisin, là, qui aime bien pétrir avec les pieds, lui. Lui, c'est l'ancienne méthode. Il achète une grosse piscine. Il place son vin dessus. Ben, dedans, pas dessus, dedans. Dedans la piscine. Dedans la piscine, il y a l'énergie. Devant la piscine, il y a l'énergie. Il y a les manies, ah ouais, la manie, ah ouais, la manie, ah ouais, la manie, ah ouais, la manie, ah ouais, la manie, ah ouais, la manie. Hein, on dirait une chanson à répondre, mais Moscovite. Moscovite, t'as moins d'abandé vite, t'as moins d'abandé vite, t'as moins pas c'est vite, t'as moins d'abandé vite, t'as moins d'abandé vite, ah ouais, on sent le hit. Le succès va m'appeler. Je te dis que je vais me réveiller un matin. Je vais ça m'arrivera jamais, là, parce que je ne s'intonne jamais des radios commerciales. Mais, par exemple, j'invite quelqu'un, une amie, une troublante création, et puis, avant de se coucher, de s'endormir, moi, je ronchonne. Non, je ronchonne jamais, moi. Ah, ben disait, ouais, grosse difficulté au ronchonnage. Ronchonnez-vous, vous! Mettez-vous du beurre avant de ronchonner! Moi, l'huile, là, ça, c'est parce que le problème avec l'huile, si vous le savez pas, là, hein? Là, je parle aux novices, là, ça va exploser. Tu sais, tu mets quelque chose. Mais si tu mets du beurre, c'est calme, du beurre. Déjà là, tu le regardes, là, il s'étend. Puis une fois qu'il est étendu, là, puis que ton feu est assez vif. Et là, quand je fais vif, là, je le présente avec mes mains. Malheureusement, j'enregistre plus, là. Plus de temps d'enregistrer, parce qu'après ça, c'est du montage. Puis C'est du diffusage, puis c'est du temps. Puis le temps, ben je le fais à d'autres choses. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs années, ben 5-6 ans, avant la maladie de ma maman, j'en faisais beaucoup de montage. Mais quand ma maman? Oui. Ah ouais, moi je suis né d'une mère, moi. Une mère, un père, puis deux troupeaux de prieurs et de prieuses. Ah, ça priait ce monde-là pour que mon père, ma mère. Mon père aussi, ma mère, n'avait que moins d'enfants, la destinée, la rose au bois. Mais il n'y avait pas la destinée, mais les gens qui étaient là, c'était pour que je devienne quelqu'un dans la vie. Au début, il disait, il n'était pas très certain lorsque je suis arrivé au monde. Est-ce que c'est un humain? C'est une chose? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout mou! C'est bizarre, c'est flasque! Là, on entend arriver le médecin demain. Là. Eh bien, il y a d'or. Ah non, j'ai coupé le son. Attendez un peu. Je vous reviens. Êtes-vous capable de vous retenir pendant 5 secondes de ma voix? Hey, on va se reposer. Hey, c'est pas gentil, ça. Mais pendant que je vous dis que c'est pas gentil, je rentre le fil là-dessus et je m'installe ça sur les oreilles. Là, excusez-moi si vous avez entendu des sons disgracieux. OK. J'essaie de m'installer ça avec... Ah, voilà. Je m'entends des deux oreilles? Un, deux. Malheureusement, oui. Comme vous autres. Je m'entends comme vous autres. Et puis, qu'est-ce que voulaient dire les signifiants, donc? En disant que ma mère n'avait que moi l'enfant, avec moi l'enfant la destinée. Non, ouais, mais elle n'avait pas juste moi. Elle en a eu un qui est mort dans sa bedaine, et puis une autre qui est arrivée quelques mois avant moi. Je dis avant ou après? Avant moi. Tu es avant, après, on situe en avant, en arrière, en haut, en bas. Oh mon Dieu, la vie nous mélange tout ça, puis il faut déjà là, décortiquer le trou. Non, le tout. Le trou est déjà décortiqué hein, quand tu arrives au bord. Là, aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, tu accouchais, c'était la faune. Hey, aujourd'hui, on dirait que c'est une petite fille de 8 ans qui va mettre au monde, qui va nous amener l'enfant chéri. Ah, tout le monde était épilé. Tout le monde était épilé. Tout le monde était épilé. Et puis les autres, là, sont plus naturels que ceux d'avant-garde, tu sais, les avant-garde, il faut pas avoir un poil, couchez le poil. Couchez! Tu sais, si c'est un poil anarchiste comme le mien, hein, il se couche pas, là. Il s'érisse. Ring! Là, il te regarde. Avec tous ses yeux. Et quand plein de yeux de poil te vérifie la face, pas le visage, la face, là. Il sait très bien, ils savent, parce que c'est un troupeau, ils savent très bien, un troupeau non, ils savent, mais c'est plusieurs amalgames, ils voient qu'ils peuvent sauter sur ce visage qui se questionne constamment pour des riens. Il y a Serge Gainsbourg qui chantait... Ça, c'est la version instrumentale. Je cherche les paroles. Rien, c'est un bleu fort de tout. Rien, c'est un... Mais ça, c'est dans ses débuts, là. Ben, peut-être le troisième album. Mieux vous pensez à moi que de penser à vous. Rien, c'est des... J'adore. Eh bien, si t'adores, tu connais pas les paroles. Mais savez-vous que... Ça, c'est vrai. Je suis un amateur de chansons, mais je ne veux pas retenir les paroles. Parce qu'à chaque fois, je veux entrer dans les mots et comprendre ce qu'il y a à comprendre à ce moment-ci, au moment présent. Mais surtout si c'est de la poésie ou des métaphores, ça donne une autre version. Fait que. Je dis jamais fait que dans la vraie vie, moi. Je sais pas ça vient de qui de fait que. Qui m'a donné cette proposition-là du fait que? Fait que c'est toi? OK. Maman. Non, est-ce que je peux vous interroger avant de... Vous aimeriez plutôt une petite chanson? Et j'en ai une bonne. Une très, très bonne. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il nous a quittés. Il nous a quittés, oui, c'est ça. À cause de ce fléau actuel. Et je l'ai vu avec mon ami Bernard Lavillier à Québec. Eh bien, c'est le grand, le très, très grand. Vous pouvez danser, hein? Puis c'est l'heure, là. Il est quoi? Il est minuit 20. Placez-vous, là, dans votre cuisine. Tirez, enlevez les chaises. Ça, je l'ai déjà mentionné au début de mes émissions. Il y a 10-15 ans. Préparez-vous à danser. Puis, savez-vous que cette chanson-là a donné l'idée à Michael Jackson de l'ajouter dans une de ses chansons? Ça va vous dire quelque chose. Mais c'est vrai, c'est vrai. Un gars extraordinaire. Vraiment, là. Puis j'ai été touché lorsqu'on m'a appris sa mort. En fait, c'est une amie proche à l'artiste que je rencontre normalement à chaque 2 ans à Paris. Et elle a collaboré à lui trouver des salles de spectacle et puis tout ça, à l'émanciper dans son œuvre. Donc, c'est son bras droit, mais la personne que l'on ne voit pas. Je vous présente une chanson, la plus populaire de son œuvre, Manu Dibango. Amuna sangwa sunyando lo yusudo di makasa wa namleba wazu o sol makosa lada ha yo Mama go say. si, bino si, bino si, mani na ti saye. C'est de l'expérimentation sonore. Avez-vous compris quelque chose? Mais là, j'essaye, là. Je suis devant plein d'encyclopédies et surtout l'universaliste. Comment? L'universaliste. Non, c'est l'universaliste. Le dictionnaire que tout le monde achetait dans les années 70. Il y avait même le vendeur qui sonnait à nos portes pour nous proposer. Le premier livre, ça n'a pas trop changé, là. Le premier livre à 1$, puis les autres à 5$. Mais 5$ à l'époque, là, c'est 25$ aujourd'hui. Parce que le salaire minimum est à 3,50. Faites le calcul très vite, là. Merci. Vous me croyez? Ben là, j'essaie de calculer. Elle peut me calculer. Tu me dis toi bien. Le salaire minimum est à? Mais il est à ce prix-là. Ah, moi, il est à ce prix-là. OK. Le prix-là avec le prix de vente. J'en tiens 8. J'en tiens 7. J'en tiens 8. T'as raison! Merci! T'as travaillé fort? Mais non, je t'ai fait confiance, hein, parce que moi, le calcul mental, là, c'est comme le souvenir mental. Moi, j'ai pas de souvenir mental. Mais y a-t-il un autre souvenir qui doit se tenir ailleurs que dans le mental? Ah, mais là, moi, écoute, j'ai pas étudié ça, là. Moi, j'ai arrêté en quatrième année, heureux! Puis, je me souviens qu'il y a des... il y en a un qui m'a chanté une petite chanson là-dessus. Là. Ah non, il va fredonner encore. Non, mais oui, ouais, fredonner. Mais exactement, t'as raison. Mais c'est... c'est laquelle, non? Ah, mon dos. Ah oui. Attends. Mi. C'est pas un mi, c'est un ré, ça. Mi. Ah ouais? Mi. Non, ça, c'est un ré plus haut. Mi. Ça, c'est un ré qui est fatigué. Mi. Ça, c'est un ré là, qui va faire pleurer le peuple. Le peuple, le citoyen, ben le public. Ah, as-tu vu, hein? Il y a plusieurs strates pour parler d'un regroupement collectif, singulier, non connu. Hein, monsieur, peux-tu répéter ça? Ben oui. Singulier, non connu. Tu sais, au lieu de dire un ami, on le connaît. Je tiens à te dire, mon petit champion, c'est que moi, j'ai plein d'amis que je connais pas. Ah, bravo! Ouais, mais ils sont tous sur les intestins. Les internets. Oui. Mais comme sur les intestins, ça peut partir très vite, là. Fait que là, tu regardes s'il y a une communication intellectuelle. Mais souvent, pour plusieurs, hein, la facilité. Qu'est-ce que la facilité sur Facebook? Ben, c'est le visuel. Hey, ça, c'est une belle fille, il m'en reste ami avec. Elle a rien à dire, mais elle est belle. Oh, non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. La beauté n'est pas assez. Elle peut enrober, elle peut compléter, mais elle n'est pas l'authenticité première. Il faut creuser davantage, là. Il faut lui demander sa recette de spaghetti. Déjà là, si ça te plaît, si tu la trouves extravagante, tu dis, ah ouais, tu mets de la béchamel avec ta sauce à spaghetti. C'est bizarre, mais ça peut être intéressant. Une petite crème rosée. Ah oh, oui, OK. Tu veux changer la couleur. Ah oh, ben, ah oh, ben, ah oh, ben. Ben, écoute, je suis pas là pour te donner des directives, là. Mais je te conseille parce que dans la cuisine, tu sais, vous savez, bon, on va se tutoyer parce qu'à un moment donné, on va s'embrasser, puis il va arriver quelque chose, là, des petits enfants, tout ça. Je pars en grand. Bon. Mais il faut mieux vaut partir en grand que rester petit. Ça, faudrait écrire ça sur Internet. Mieux vaut partir en grand que rester petit. C'est important. Ça, c'est les guillemettes. Tu sais, les guillemettes. Hey, ma mère buvait quelque chose là, à Port-Cartier, parce que j'ai habité à Port-Cartier, des guillemettes. Je me souviens pas trop de ce que tout ça renfermait, mais c'était un peu blond avec une mousse sur le dessus. Et c'était, ça faisait partie du grand monde ou du petit monde, des cocktails. J'ai jamais bu de guillemettes de ma vie. Et si j'en bois, je serais très nostalgique, puisque ma mère, c'est... Mais plus aussi le cidre de pomme. Ouais, le cidre de pomme, c'est lorsqu'elle était chez elle, avec nous. Mais les guillemettes, c'est lorsqu'elle elle allait au Continental à Port-Cartier, qui était un restaurant qui a passé au feu. Et elle en buvait, elle en buvait, elle en buvait, et ça me semblait assez fort. Donc, si ça existe encore, si vous connaissez la composition du guillemette, écrivez-moi, parce que j'ai un courriel. Imaginez-vous, un courriel, une adresse cybernétique. Ah, un email! Hey, dis-moi jamais ça! Parce que là, je sors de mes gonds. Fait que pour sortir de mes gonds, tu sais, on joue le gong. Je sors du gong. Et je te dis que nous avons un terme français, francophone, qui est venu au monde, au Québec, et qui s'appelle courriel. Au même titre que, pour les gens qui m'écoutent et rentrent canadienne depuis des années et des années, et que je dis aux artistes français avec grand plaisir, balado-diffusion, podcast. Mais allez voir si j'ai fait un podcast dans mes fonds de chart. dead. Ben pour la route, afin d'enchaîner sur mon invité, je vous propose une autre chanson qui me semble très, très intéressante. J'adore CKRL puisqu'elle peut et elle nous offre la possibilité de diffuser de la musique tout azimut. Voilà. Partie dans la francophonie, dans l'Afrique, dans la Belgique, dans le Québec, dans l'Amérique du Nord anglophone et même la Chine, le Népal, le Zimbabwe et les intraterrestres. Avez-vous déjà entendu une chanson intraterrestre? Alors, pour la première fois, attendez-vous à quelque chose. Demain, dans les journaux, là... Vous entendrez, excusez-moi, je suis très malade, je vous dis, là, j'ai la fièvre, j'ai un problème au poumon, puis ça va pas très bien. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Non, c'est pas celle-là, je sais, vous allez me dire, c'est pas Liel, c'est pas Diane Dufresne, je sais. Mais, dans les circonstances que j'ai voulu vous placer le texte en question, en fait, l'improvisation en question, la narration, les mots, me rappelle plus de ce qui s'est passé avant. Là. Je me souviens d'une trop courte mémoire collective. Je me souviens que la mémoire est sélective. Et je me souviens qu'un vieux qui se raconte à un jeune d'une certaine façon lui donne la chance de se souvenir. Car dans un canot à cul, il chante un vieux refrain. Puis ça a pris du pas, mon père est légué à un gamin. Tandis qu'au bar à coups des lovers à la main, à ce qu'on se lit, jaloux de la plume de Desjardins. Oui, je l'aurai dans la mémoire, mémoire. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Oui, je l'aurai dans la mémoire, mémoire. Je l'aurai dans la mémoire longtemps. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. On pense par cachet.

part ma mère, mon frère faisait beaucoup de, écoutait beaucoup de musique, mais sinon je viens pas d'une famille d'artistes ou de personnes particulièrement qui pratiquaient ou tu vois. À quel moment ça s'est déclenché chez toi le fait de dire oh non je veux pas être caissière, je veux pas être boulangère, je veux faire de la chanson, je veux faire de la musique. Est-ce que ça s'est dessiné comme ça ou si je pense que ça a toujours été là et puis ça a pris une ampleur grandissante en fait. Ça a pris de plus en plus de place, d'importance, de sens, de nécessité intérieure, tu vois. Mais ça fait peur aux parents, ça, un enfant artiste? Bon, moi, j'ai toujours eu une autre activité à côté. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, à mi-temps. Ouais. OK. Mais de moins en moins. De moins en moins. Parce et j'espère plus. Ouais, j'espère bientôt que je serai beaucoup plus sur ce chemin-là, artistique, musical. Ouais, absolument. Est-ce que tu penses, es-tu intermittente ou si tu n'es pas encore... Oui, c'est à mi-temps, okay. Exactement. Ah, mais c'est bon, c'est bien déjà là. C'est pas mal. Parce que tu fais tes heures. Exactement, okay. Ouais, c'est pas mal. Et tu as un travail à côté parce que quand même, la vie, c'est la vie. C'est ça. Si tu veux donner des beaux disques, des beaux objets. C'est ça, il faut un peu d'argent. Et ouais, puis bon, comme tu sais, moi, je suis arrivée dans la musique à un moment où ça a complètement changé. Ouais, c'est-à-dire que le digital est arrivé, voilà, ça a explosé, où le digital est venu bouleverser tout le système. Donc, pour gagner de l'argent, c'est possible, hein, évidemment, parce qu'il y a des artistes qui gagnent leur vie avec la musique, mais c'est devenu plus compliqué. On est très nombreux au Québec, je ne sais pas, mais en France, la scène, elle est... Il y a des albums qui sortent. Partout, C'est un flux, hein, c'est à un moment donné, on se perd dans tout le nombre de disques qui peuvent sortir par semaine. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas juste la musique québécoise, francophone, bien il y a de la musique bien sûr. À travers le monde. Bien et, sûr. Et c'est certain que les gens se rabattent tout le temps sur les gros noms, sur des valeurs sûres, c'est ça, entre guillemets. Exactement. Mais est-ce que tu sens, en parlant de valeurs sûres, est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit Oui, alors j'ai un public, ça c'est chouette. Ça c'est sympa. Et des gens qui viennent, qui reviennent, qui viennent avec des amis. Donc ça c'est chouette. Mais trouves-tu que cet album-là, parce que selon moi, je le sens davantage comme ça, cet album-là fait plus d'écho que les autres? Sans doute. Et, je trouve que les gens en parlent davantage sur Internet, on voit les réactions, on voit des... Je trouve que c'est comme le travail, à un moment donné, récompensé. C'est vrai. C'est arrivé au bon moment, cet album-là? Oui, absolument, c'est arrivé au bon moment. C'était un bon alignement de planète. Oui, c'est absolument vrai, t'es comme Pierre Pat, t'es très lunaire, t'es très astral. Mais c'est pour ça que ça vous relie, hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu trouves que la sortie de cet album-là a été faite au bon moment? Écoute, pour te dire la vérité, je crois pas. Oui, c'est vrai. Je crois pas. Je pense que j'avais trop de travail, moi, à ce moment-là, que je m'en suis pas assez occupée, que... Et celui-là, le prochain? J'espère, voilà. Je pense que ce sera mieux. Et puis, bon, déjà, il a une base. Il y a la base de la première version de l'album. Avez-vous déjà préparé la tombée de l'album? Vous savez à quel moment vous allez sortir? Ou a priori, début septembre, mais ça, je pourrais te le confirmer. Okay. Oui. Mais tu travailles beaucoup, sûr, là, ouais, sur ouais, là, je... Voilà, exactement. Est-ce que tu es rentré en studio ou pas encore? T'as la maquette pas encore, donc il faut que je finisse ça cet été. Hein. Mais là, la maquette est faite. Plus ou moins. Ah, d'accord. As-tu un studio maison? Tu fais ça chez toi? Alors, ça dépend. Il y a beaucoup de chansons qu'on a enregistrées chez Pierre, parce qu'il a un home studio. Ben oui. Quand on a travaillé sur L'amour et c'est tout, c'était chez le Valentin Aubert qui a arrangé l'album, qui avait un home studio aussi, pas loin d'ici. Et là, pour les deux titres qu'on doit enregistrer, ce sera en studio, pas loin à Pigalle. OK. Donc, ça dépend. Ça dépend des collaborations, en fait. Puis, en général, le disque s'est enregistré où, cet album-là? Ça a été enregistré chez Valentin Aubert, qui l'a arrangé, qui avait un home studio chez lui. Ouais. Donc, on a fait ça assez rapidement l'hiver dernier. Ça, c'était très beau comme expérience, parce que ça a été, comme tu disais, c'était un bon moment, l'enregistrement. On l'a vite fait, bien fait. Mais tu genre, parce qu'Albin de la Simone, lui, c'est incroyable. Lorsqu'il commence une chanson et qu'il rentre en studio, il ne sait plus à quel moment terminer. C'est comme un peintre, est-ce que j'arrête de mettre du rouge, du bleu? J'adore Albin de la Simone. Je trouve qu'il fait des albums de plus en plus profonds, de plus en plus... Sur scène aussi, c'est très beau. Hein. Ah oui. Mais est-ce que tu n'arrêtes jamais de vouloir rajouter des flûtes ou enlever un synthé? Écoute, j'aime bien être vraiment sûre du son qu'on entend. Après, j'ai pas les mêmes moyens que quelqu'un comme Albin de la Simone. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand on est en studio, on peut pas y passer non plus des heures. J'ai pas derrière moi une maison de disques. À quel moment tu dis que là, c'est fini, on l'arrête là, puis on va passer à une autre? Je pense quand je suis satisfaite de ce que j'entends et quand j'entends... Ça coule de source. Oui, c'est ça, quand il y a quelque chose d'assez évident. si tu sens que la chanson est terminée parce qu'elle te plaît, tu ne vas pas rien rajouter parce qu'elle fonctionne ouais, bien. C'est ça, c'est ça. Et puis sur cet album-là, tu vois, il y avait quand même beaucoup de claviers, beaucoup de couleurs, donc il est assez chargé. Ouais. Donc sur scène, j'aime bien épurer certaines chansons. Mais sur l'enregistrement, Valentin, il est formidable. Il a compris. C'est un jeune arrangeur ouest. Il a hyper bien compris. C'est quelqu'un qui a une culture jazz. Il a son prof de guitare, c'était celui qui jouait de la guitare sur mon premier album, Pascal Nicole, qui était à Nancy. Et donc il a cette double culture, tu vois, jazz, chanson, électro. Il est jeune et il a des super projets. Il a un projet qui s'appelle Durantin. Son frère, il travaille avec le groupe Minuit. J'ai rencontré le Clem, guitariste. Ouais. Le guitariste ou le bassiste, c'est Clem Aubert, son frère. Ah, exactement, oui. Voilà. Puis il était avec Emma à un moment donné. Pas Emma, mais. Elsa Cobb. Elsa, oui. Exactement. C'est ça. Voilà, mais exactement. Il y a une rupture. Oui, donc tu vois, il est sur la scène émergente, il est dans plein de projets, là il travaille avec Christophe Maé. Mais il a commencé très très jeune aussi. Jeune, ouais. Et j'adore son travail et ça sa finesse. Très sensible, très fin, très à l'écoute. Donc lui, il était capable de passer des heures entre une séance et une autre à essayer des sons, à me faire des propositions et du coup, je lui ai fait confiance et j'étais très contente de ce qui est sorti. Lui, son intérêt, c'est qu'il est très versatile. Il travaille aussi avec les Raoul Petit, qui est un groupe explosif. Exactement. Et il revient toujours à l'intimiste. Exactement. Il a une palette très large. Exactement. Et c'est ça qui te plaît chez lui. Oui, absolument. Il peut vite saisir ce que tu veux et te le rend. Exactement. C'est-à-dire que techniquement, il est hyper bon. Parce que, comme tu disais, il a commencé jeune et puis il adore ça. Donc, il a tous ses sons en tête. Enfin, tu vois, il est formidable. Et après, il a cette sensibilité qui fait que il va pas aller m'embarquer sur des choses, je pense. Il sent les choses, donc, et les toi, projets. En venant du classique, est-ce que tu te considères un peu plus exigeante? Peut-être, mais c'est sans doute aussi ma nature. Tu veux pas faire J'aime bien les choses bien faites. Peut-être que dans le fond, c'est pas important en musique, je sais pas. Ben, en même temps, oui, parce que ça te représente. Hein, peut-être que dans le fond, c'est pas très important, je sais pas. Est-ce que les artistes qui marchent aujourd'hui, je sais pas. Ils sont tous très pointilleux. Mais en tout cas, c'est un signe que l'album aussi, quand on les écoute, tes disques sont très finis, sont très raffinés, sont pas faits bâclés comme ça. Là. C'est vraiment, on sent le travail. Est-ce que tu vois que le classique dans ta carrière t'a aidé à comprendre plus facilement la musique en général? À comprendre, je sais pas, mais pour moi, ça a été une première porte bouleversante. Bouleversante, et je pense que... finalement, il y a peu de musique qui me... Le jazz aussi me bouleverse, plus que la pop. Le jazz... Jazz et classique. Le jazz instrumental, vocal aussi. Manque tout ce monde-là, Calonis Monk. Ou des Keith Jarrett, le bon vieux jazz. Un peu, Ou des choses récentes que là, j'ai été écouter Chuck Israel, le contrebassiste, récemment. Avec des jeunes musiciens. Bon, il n'est pas tout jeune, mais bon... Des formations un peu classiques, on peut dire, et qui ressemblent au classique aussi, finalement, à la musique classique. Il y a un endroit où ça... Est-ce que tu te considères comme féministe? Écoute, disons que pour moi, c'est une question évidente aujourd'hui. C'est hyper important et je trouve que ce qui se passe va dans le bon sens. Après, je pense que tout ce qui relève de la parité, de l'égalité, des revenus, du rôle des hommes et des femmes dans la société, c'est fondamental. Maintenant, ce n'est pas des combats que je vais aller porter dans la rue. Mais dans tes chansons, est-ce que tu sais Oui, je pense au-delà du féminisme, quelque chose autour d'une certaine féminité, peut-être plus que du féminisme. Parce que bon, hommes et femmes, on n'est pas pareil quand même. Et c'est bien, on s'ennuierait sinon. Ben oui, c'est ce qui est attiste, c'est ça. C'est ça. Mais dans cet album-là, qui va ressortir, remasteré, redigitalisé, comme on dit, chez nous... Quand le monde s'endort. Compagnon sublime, aux allures d'héroïne, il voit des mirages au rythme trop sage. RLNF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Si je vais sûr, je me sens. Je ne pensais pas qu'un fol amour pouvait finir en désamour. Tes armes en car aussi soudain, tu as seulement lâché ma main. La couleur rouge ou une couleur... Alors déjà, Rénal, parce que la pochette est rouge. Oui, non, mais en dehors de ça, on dirait que la musique est plus vive. Et plus pétillante. Parce que ça correspond à ce que je suis, je pense, aujourd'hui. Sans doute plus, ce que je te disais, peut-être plus libre et plus... Peut-être plus heureuse aussi dans ma vie personnelle. Sanguine aussi, c'est un album oui, sanguin. Oui, mais je suis scorpion, moi. Okay. Scorpion, donc je suis assez sanguine. Donc, ça coulait de source, la pochette allait avec la musique. Est-ce que tu avais déjà une idée de pochette ou... Écoute, j'avais une idée d'ambiance. Voilà, je voulais le faire à Pigalle. On l'a fait à l'hôtel Pigalle, justement, qui n'est pas très loin d'ici. À côté, oui. Exactement, oui. Avec une photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Laetitia Le Fur. Et j'avais envie d'une ambiance un peu nocturne, voilà, ouais. Un peu parisienne, élégante, quelque chose d'un peu sophistiqué, féminin. Après, j'avais pas d'idée préconçue, tu vois, sur la pochette, ce que ça allait être. Et puis finalement, bah, quand on a vu toutes les photos qu'on a faites pendant la séance, c'était celle-là que ça m'a... Ces belles images-là, t'as proposé, parce que c'était quelque chose de sublime. Là. C'est gentil, oui, j'étais contente. J'étais vraiment contente de elle tout ce qu'elle a fait. Elle avait bien compris ce que oui, elle avait bien compris. Ouais, elle avait bien compris. Et puis l'hôtel s'y prêtait avec ce néon rouge génial. Et ça donne un cachet. Je trouve que ça appuie le disque, tout prend sens, tout est fait. C'est une enveloppe qui enrobe tout ça. Et donc, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de surprise. Tu ouvres la pochette, tu regardes, tu écoutes et tu dis « Ah oui, là, c'est complet, c'est complet. » C'est gentil. Mais tu travaillais dans ce sens-là aussi, oui, tu ne pouvais pas créer de chaos. Si tu veux, oui. Et en fait, finalement, c'est des choses, tu sais, qui sortent de toi parce que c'est évident finalement pour toi et qu'à la fin, les choses, tu comprends. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas très bien comment. Et puis à la fin, on comprend un peu. Pourquoi ça s'est mis comme ça. Et c'est vrai que sans doute, tout convergeait un peu dans le même sens. J'avais une envie d'un album avec une couleur un peu plus nocturne, un peu plus sensuelle. Et sans doute que tout est allé dans le même sens. Oui, exactement. Sans même que moi, je mette un effort particulier. C'était juste mon désir, en fait, et ce que j'ai mis en œuvre autour de moi en termes de visuel et en termes de couleur musicale pour que ça se réalise. Alors, je trouve sincèrement que si on écoute ton premier album jusqu'à celui-là, même la pochette du premier album, c'est noir et blanc. Hein? C'est noir et blanc avec des taches de couleur. Oui. Ouais, c'était Jay Alinsky qui avait fait la photo. Mais que tu as rajouté, parce qu'à l'origine, c'est une photo noir et blanc. C'était une photo noir et blanc de Jay Alinsky. Et après, c'était moi-même, je faisais de l'aquarelle, c'était des taches de couleur. Alors, est-ce qu'on peut dire que les albums sont devenus de plus en plus colorés avec le temps, puisque le noir et blanc était là, et tu as voulu mettre un peu de... Il y a du rouge, je crois, sur la pochette. Donc, ça revient, c'est très... Oui, ça revient. C'est très sanguin. Oui, Oui, absolument. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment ma nature profonde. Est-ce que tu crois beaucoup aussi quand tu crées, quand de quelque chose de... C'est presque psychanalytique. On comprend pas trop pourquoi on veut faire ça, mais on le fait. Et plus tard, on voit ce que ça donne et on se dit, là, je comprends. Psychanalytique et puis qui relève du sens profond de pourquoi on est là sur cette terre. Ce que je te disais tout à l'heure, que... Le sens de ma vie, ça tourne beaucoup autour de ça. Pas uniquement ça, j'ai un garçon, j'ai un amoureux, tout ça, mais ce que j'aime, la pierre que j'aime apporter au monde, c'est vraiment celle-là. Et en effet, c'est par-delà moi et j'en ai vraiment besoin et je sens que... Tu vois, hier, après le concert, quelqu'un qui m'a dit... c'est merveilleux, ta musique, c'est comme un bonbon. Ça vaut 5 séances de psychanalyse et 3 séances de shiatsu et de massage. Et ça me touche beaucoup quand on me dit ça, parce que c'est pour ça que j'aime aller sur scène et voilà, apporter de la poésie. Et... Mais est-ce que tu travailles sur cette image-là ou ça coule de source? On sent quand on voit tes albums, on regarde les pochettes, on écoute la musique, on sent le mystère, t'es une fille mystérieuse. Est-ce que tu travailles sur le mystère? Non, je crois pas. Intéressant que tu le dises comme ça parce que je travaille pas là-dessus. Et peut-être que pour moi aussi d'avoir eu ce double parcours, tu vois, d'une activité aussi autre... T'es comme un spectre. Oui, sans doute, assez large. Sans doute. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je la. Existe-t-elle vraiment? Les spectres, c'est comme ça. Hey, j'ai 10 questions et j'ai. Ben, Pierre m'en parlait. J'ai dit, bon, c'est pas son imaginaire quand même, là, même s'il en a beaucoup. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, du champagne. Ah, ben voilà. Bien sûr. Ben oui. Donc, tu veux, si tu étais une ville. Une ville. Paris. Quel arrondissement? Y a-t-il un endroit, un noyau que tu prépares? J'habite dans le Marais, alors bon, j'adore ce quartier. J'aime beaucoup ici aussi, bien sûr. Les Abbesses, Pigalle, voilà. La nuit, le cœur de Paris, bien sûr. L'effervescence de Ouais, bien sûr. Si tu étais une langue. Le français. Ouais, le français, bien sûr. Mais tes racines sont autres aussi. Là. Mes racines sont autres aussi. Moi, ma famille, une partie de ma famille vient d'Italie. J'y ai vécu pendant 4 ans. Donc, j'adore l'Italie, j'y vais souvent. J'adore chanter en italien. Donc, j'ai un projet aussi, j'espère qu'il verra le jour bientôt, d'album en italien. Mais le français, ouais, je suis très attachée. J'adore cette langue. J'adore la grammaire. J'adore le français. J'adore les dictionnaires. Alors, tes racines enrichissent un peu ce que tu es? Bien sûr, bien sûr. Ah, oui, absolument. Si tu étais une époque? Une époque... Peut-être la nouvelle vague. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'allume? Ben, peut-être un côté assez léger, assez... Fugace. Oui, c'est ça. Ouais. Plus comme léger que cette période qu'on vit en ce moment. Moins lourd. Ouais. Si tu étais un mot? Un mot? Amour. Ah ben oui. Bien sûr. Majuscule qui s'intègre. En rouge, bien sûr, ça s'intègre en rouge. Si tu étais un aliment? Un aliment? Un plat de pâtes. Des pâtes? Un plat de pâtes. Oui. C'est bien. Si tu étais... En plus, ça coûte pas très cher hein, quand on n'a pas beaucoup de budget. Là, c'est des pâtes. C'est convivial. C'est bon hein? Pour les chanteurs, exactement. Tu mets c'est la très convivial. Le plat de pâtes et puis... Exactement. Après, voilà. Mais pas de champagne, peut-être avec un vin rouge. Non, avec du champagne, ça peut marcher aussi. Ah, j'ai jamais essayé. Parce que le champagne chez nous est très très cher. C'est vrai. Ah, ben oui, c'est... Ouais. Si tu étais, ben ça vient d'ici, hein, donc ouais, c'est sûr. Si tu étais la veuve Clicquot, c'est facilement 60 euros. Ah oui, en effet. Si tu étais un aliment, tu l'as dit, spaghetti. Oui. Si tu étais une saison. Le printemps. Ouais, le printemps, le renouveau, la nature, les fleurs, la promesse de l'avenir, ouais, l'effervescence, ouais. Ouais. Ouais, l'éclosion des... Ouais. Pas encore la chaleur écrasante de l'été, mais le renouveau. Mal, oui, la je chaleur. Supporte pas mal. Ouais. Ouais. Pourtant, t'es pas... c'est plutôt les gras souillés. Non, ouais, c'est vrai que je supporte pas bien. L'amour a tenté le pire. pourquoi. Soudain tu es là, doucement comme un chat. Cellophane. Te dire toi, enfant, que la vie délie les chagrins. Te dire à toi, enfant, tu es le cowboy et l'indien. Allez, montre-moi ce regard qui était la source de toi. On ne refait pas son histoire, mais la façon dont on la voit. Te dire à toi, enfant, en traversant les méridiens. Te dire à toi, enfant, toute la vie t'appartient. Toi, enfant, toi, enfant, c'est dans le temps que je voyage. Je veux parler à ton enfance, enlever la poussière fine, l'usure de l'indifférence et puis le règne des machines. Savoir si c'est bien, c'est... histoire a besoin de connaître une fin. Parce que les rêves, quand on les inachève, ça vous reste en travers de la vie comme une. Qui œuvre, la main qui travaille, la main qui tient la main de quelqu'un d'autre, la main qui caresse. L'humanisme de la oui, main. Oui. Si tu étais un moment de la journée. Le matin. Ah, le matin très tôt. Oui. Tu te couches très tôt aussi. Je me couche plutôt tôt, mais le matin. Avec j'adore un enfant, le matin. On n'a pas trop le choix. Mais... Plus ou moins après. On doit se plier un peu aux exigences. Oui, plus ou moins après. Mais le matin, ouais, de très loin. Ouais. Je suis quelle plus heure, du matin à 6, 7, 6 heures. On aurait pu se rencontrer à 6h30 au bout. Si tu étais un moment de la journée, si on a dit, si tu étais un autre individu. C'est une belle question, ça aussi. Sinon, salade de gambas à la taille. La calasse. Ah oui, ok. Maria Callas. Pourquoi? Pour le côté extravagant de la dame. Oui, et puis cette voix sublimissime qui renverse. Ouais. La calasse ou Ella Fitzgerald. Ah oui, et c'est des gros morceaux. Oui, c'est des gros morceaux qui bouleversent, qui changent la vie, je trouve. Oui, oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non. À choisir, j'aurais aimé faire de la musique beaucoup plus jeune, beaucoup plus. Mais tu as commencé par le classique à quel âge? J'étais jeune, mais après, comme je t'ai dit, j'ai fait des études d'économie, moi. Ah, c'est ça, alors tu as mis en sourdine beaucoup de projets exactement, artistiques. Exactement, pouvoir, ouais, exactement. Donc, est-ce que tu sentais aussi qu'on te pressait dans ta famille? Oui. On voulait un boulot sérieux. Exactement. Exactement. As-tu beaucoup de projets, hormis, mais c'est quand même beaucoup de travail, le disque qui va sortir, ressortir avec deux nouveaux. Mais pourquoi tu as voulu rajouter deux titres en passant? Oh, bah pour qu'il y ait un intérêt à le ressortir, tu vois, pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Mais lorsqu'on sort deux titres sur un album qui est déjà existant, on veut lui donner la même facture, la même style, on veut pas qu'il soit... Bah là, c'est un éclairage un peu différent, voilà, avec une réédition, avec deux morceaux, donc j'espère un petit duo avec Loane, et puis une reprise d'un morceau contemporain, je pourrais t'en dire plus bientôt. Oui, oui, oui, on en parlera. Lui donner un autre éclairage. Alors, à part ce projet-là, bah oui, je voudrais reprendre un message personnel, le spectacle de reprise de François Hardy. Donc, à l'automne, je vais le porter sur la scène du Sunset et j'adorerais qu'il tourne dans des festivals ou à l'étranger. Voilà, ouais. Dans des... Mais tu fais combien de concerts par année? Ça dépend des années. Ça dépend des années. Quand j'étais avec ces concerts-là, message personnel, j'en faisais une quarantaine, cinquantaine. Mais pour la sortie de ton album l'année dernière, tu en as fait combien? J'en ai fait une dizaine, j'en ai fait moins. Ça a été une année aussi où j'ai travaillé pas mal à côté dans d'autres activités. Et puis donc, tu avais moins de temps à consacrer exactement. À... Ouais, exactement. Est-ce que tu trouves que ton cheminement se fait naturellement, sans, un peu comme un ruisseau qui coule, tu laisses aller et tu essaies de voguer à travers tout ça? Est-ce que tu provoques les choses? Il y a les deux. C'est-à-dire à la fois, je pense que... je ne sais pas si vous avez cette expression ici au Québec qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ah ben oui, ouais, on me le dit. Hein, ouais. Voilà. Et à la fois, comme je te disais, j'aurais bien aimé commencer tout ça plus tôt. Donc il faut quand même que je perde trop de temps. Avant de terminer, quelle musique tu écoutes actuellement? Parce que tu m'as dit, à une certaine époque, c'était de la musique un peu plus électronique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? J'écoute beaucoup de choses. J'écoute toujours beaucoup de chansons, de jazz. Alors en chanson, je peux écouter aussi bien Charlotte Gainsbourg que Loane, que les Brigitte, Cléa Vincent, que j'aime beaucoup, Arthur H, que j'aime beaucoup. J'écoute du jazz, j'écoute pas mal de musique. J'écoute un peu de Cassius, on en a pas mal parlé, là, le beau. Des choses assez différentes. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Oui, j'essaie de me nourrir de pas mal de choses. Mais qui ne vont pas toujours selon ton style à toi, ça veut rien dire, c'est pas parce que... Non, parce qu'on se nourrit de plein de choses. Oui. Je sais pas si tu connais Eric Lénini. Non, c'est un pianiste belge qui est sur la scène jazz, qui travaille avec beaucoup de chanteurs-chanteuses, qui est génial. Les Cléa Vincent, j'aime beaucoup. Team Dup, tu vois. Mais après ça, parce que j'ai tellement de questions à te poser, mais je sais que t'es pressé, donc on va essayer de... Attends, je vais regarder l'heure, c'est juste, je suis désolée. Non, mais je te dis, il est exactement 15. Ouais. Je vais te libérer dans 2-3 minutes. Oui, okay? Avec plaisir. Je ne sais pas si c'est moi qui imagine ça, mais parce que j'écoute tes albums assez régulièrement et je les diffuse aussi. Mais à une certaine, au début, tu étais plus sombre et maintenant tu es plus lumineuse. Qu'est-ce qui t'a fait changer de couleur? Alors, on parle encore de couleur, mais qu'est-ce qui t'a fait changer du côté un peu londonien au côté plus pigal? Ben, est-ce que tu sens ça? Oui, je le sens. Oui, je te remercie de le dire. Ouais, ça me touche. Sans doute ma vie personnelle, qui est plus heureuse avec l'amour. De ton amoureux et de ton enfant. Exactement. Ouais, l'amour est important aussi. Quand oui, l'amour, l'amitié. Tu t'es fixée au niveau sentimental. Oui, absolument. Et puis sans doute, je pense que je suis plus proche de moi-même. Je suis plus près de tes sentiments. De ce que je suis, ben oui, ou de mon désir de faire plus de musique, ou de mon rapport au monde, ou de vie de femme, en fait. T'es plus épanouie qu'à l'origine. Oui, absolument. Ah ben, écoute, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Ben moi aussi, Renan, vraiment ravie. Pierre ravi, m'a dit, elle est merveilleuse, il a raison, c'est vraiment... C'est gentil, mais lui aussi est merveilleux. Ah oui, ben vous l'êtes. C'est une sacrée personnalité. Oui, oui. Alors, vous vous auto-influencez. Oui, et puis on... Oui, ça c'est très chouette, oui. Oui, absolument. Ah ben merci. Merci à toi. À l'arbre. Absolument. Est-ce que je peux prendre des photos? Oui, avec plaisir. Okay, et c'est moi qui vais t'inviter. Non. Si, j'insiste. Si, j'insiste. Absolument. Tu m'inviteras quand je viendrai au Québec. Ok, parfait. Parce que là, c'est comme Pierre, hier, on a eu une discussion et bon... Tu m'inviteras quand je viendrai. J'espère bientôt. Pierre, il passe un mauvais moment. Pierre, c'est pas facile. C'est pas facile, cela étant, ça faisait tellement longtemps qu'elle était pas bien, sa maman, que... Ouais. Mais même sa vie amoureuse... Pas facile. Pas facile. Mais on le sent aussi, on le voit moins... moins lumineux. C'est vrai. C'est lourd. C'est lourd et j'espère que ça va le... Il se noie dans le travail. Oui. Et puis tu sais, Pierre, en France, je pense qu'il n'est pas très heureux. Je ne sais pas s'il t'en a parlé, mais je pense qu'il adore l'Asie. Il a une personnalité qui est... Ce qui lui manquait, c'est l'humidité de l'Asie, qui m'a dit à côté, c'est qui colle quand ça arrive. Et on lui souhaite, on lui envoie des ondes. Oui, exactement. Tu restes combien de temps à Paris? Je m'en vais lundi. D'accord. Et d'aujourd'hui jusqu'à lundi, je fais 18 rencontres encore. Wow. En tout, j'en ai fait 53. Wow. Ah oui, c'est impressionnant. Ah mais c'est fou. Ah oui, c'est génial. Merci. Ben, c'est un vrai plaisir. Moi aussi, vraiment. Ouais. De lointain et quelques quelqu'un me joue du piano. Je suis une fille modiano. Des nuages de coton bleu à court dans la nuit, je veux tenir ta main. Approchez-vous de ma distance. Je suis l'océan qui avance dans le matin. Une ville inconnue scintille, et dans ses reflets qui vacillent, on voit passer des barques lentes. Ma demoiselle était charmante, mais en vain. Ralentis dans les couloirs, des grands hôtels en décadence, les roseraies d'amour d'enfance, je m'en souviens. Tu donnes tout, tu t'étales, pivoine douce, fleur de bal, vie d'une bulle au fond du monde, un plomb de tulle dans ma fronde, dans ma fronde, d'un poids d'oiseau, d'un poids d'enfant, rêvant sans mots. Philosophant, pivoine sourde à nos poèmes, pivoine lourde de toi-même, ta rondeur pomme dans la paume, Antoine, qu'arrange à chair à leur idoine. Ta chlorophylle est pesantaire au bout du fil, fin du bonheur. Faut se résoudre à n'être qu'elle, pivoine poudre sensuelle. Aux plénitudes, petite mère, sans bermude, pivoine claire, dis au regard ce que les mains peuvent savoir, ce qui se tient, ce qui se touche, en d'autres sens, dis à la bouche ton beau silence. Tra la favola e l'abisso, Ho fatto i conti come mia vita, ma non l'ho ancora riconosciuta. Ho fatto a pezzi i miei pensieri, cercando il senso di un domani ieri. Ricordo che non c'è nel mio passato un'altra notte uguale a quella che sta finendo, e dalla mia finestra vedrò l'alba. Chers amis, si, si je vous, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.